On sort d'une enquête qu'on a réalisée pendant 3 ans pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur la prévention des risques cancérogènes dans les entreprises de Haute-Normandie, où on a peu croisé de notre fait et certainement aussi du fait du terrain ces problématiques de genre. Par contre, on vient d'avoir la réponse de l'ANSES, toujours pour un accord pour financer une recherche qu'on va donc débuter là dans les semaines qui viennent. Pendant 2 ans sur les risques reprotoxiques, donc la prévention des risques reprotoxiques, et en particulier dans le cas des femmes enceintes, voilà, des femmes enceintes au travail. Donc on va à la fois travailler les dimensions prévention, relations professionnelles qui me sont chères, et également aussi toute une série d'entretiens de nature peut-être plus biographique, pour revenir sur ces expériences d'exposition à des risques reprotoxiques. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi le plaisir d'être ici et puis de suivre donc à l'avenir ce séminaire. Et en même temps, je suis faiblement compétent sur les thématiques que je vais vous présenter. Là, une interrogation sur les catégories d'analyse qui permettent de décrire le mal-être au travail et plus généralement les atteintes à la santé au travail. Donc c'est plutôt en lecteur, hein, j'ai mené aucune recherche sur ces questions-là, donc c'est en lecteur d'autres travaux, même avec quand même plusieurs expériences de lecteurs, puisque lorsque j'ai fait paraître il y a 2 ans maintenant les risques professionnels, il y avait toute une partie, c'était un peu pour ça que Régine m'avait invité aujourd'hui, toute une partie sur ces questions. Et puis en coordonnant le dictionnaire du travail, on a été aussi amené à insérer, à prévoir, il y a une vingtaine d'entrées dans le dictionnaire qui portent sur les questions de conditions de travail, de santé au travail, où j'ai donc été amené à lire et relire et corriger des notices qui relevaient de ces problématiques-là. Donc je vais passer en revue une série de catégories d'analyse, de catégories statistiques, mais parfois ça sera, je déborderai un peu sur le juridique aussi, comment elles sont appréhendées par la jurisprudence ou dans le droit, pour voir ce que ces différentes catégories nous permettent de décrire du mal-être au travail, des affections liées au travail, mais en même temps aussi avec cette réflexion qu'on va mener dans ce séminaire sur les différences hommes-femmes. Donc qu'est-ce qu'on sait de ces différences? Et puis aussi, au vu de la construction de ces catégories d'analyse, qu'est-ce qui n'est pas perçu? Voilà. Alors, je commence par les accidents du travail qui sont dans les représentations collectives et aussi d'un point de vue, souvent d'un point de vue gestionnaire, ce qui est au cœur des risques associés au travail. C'est d'abord ce que l'on va regarder lorsque l'on cherche à prévenir les risques au travail. Donc vous avez là la définition de l'accident du travail du Code de la Sécurité sociale. Considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Avec l'idée là qu'il s'agit accident du travail au sens où c'est un espace-temps que l'on peut circonscrire, c'est-à-dire classiquement sur le lieu de travail et pendant que l'on est sous l'autorité ou sous les ordres de son employeur. Au vu des évolutions économiques récentes, développement des services, des transports, de la sous-traitance, cette définition est parfois pas toujours évidente, hein, pour circonscrire justement cet espace-temps. Alors, les données ici sont des données qui sont produites chaque année par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des données qu'on connaît depuis très longtemps. La tendance, c'est une baisse de la fréquence des accidents du travail, hein. On est passé, en 1997, on recensait encore 45 accidents pour 1 000 salariés. En 2009, c'est le chiffre le plus bas atteint, c'est 36 accidents pour 1 000 salariés. C'est depuis très légèrement remonté. On est à 36,2 en 2011, puisque j'ai essayé, pour cette communication, d'actualiser un peu les données que je mobilisais dans le bouquin d'il y a 2 ans. Une baisse qui s'observe dans tous les secteurs d'activité, hein, même s'il y a de grandes disparités selon les secteurs. Vous le connaissez certainement, hein, avec près de 8%, oui, c'est ça, 8% des salariés du BTP qui sont atteints par ces accidents du travail, le travail temporaire, les secteurs du bois, de l'ameublement, de l'alimentation sont des secteurs où il y a beaucoup plus d'accidents du travail qu'ailleurs. Donc une baisse malgré tout dans tous les secteurs, et une baisse aussi qui paraît une tendance lourde, hein, qui est commune à l'ensemble des pays européens. Des mouvements quand même plus erratiques si on regarde les accidents graves, c'est-à-dire qui impliquent une incapacité permanente, qui ont pour conséquence une incapacité permanente. Là, on est plutôt en baisse, mais on a des années où ça remonte. Et idem pour les accidents mortels, on est à, en 2011, 552 accidents mortels dus à des accidents du travail. C'est à peu près, pour un ordre de grandeur, à peu près le même nombre de décès qui seraient liés à une conséquence d'une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue. Côté accident de trajet, ça affecte beaucoup plus le secteur des services à la différence des accidents du travail, avec 393 décès en 2011. Bon, quel que soit le secteur d'activité, ce sont les ouvriers qui sont les plus fortement touchés par les accidents du travail. Et on sait que, dans ce qui est en tout cas effectivement comptabilisé, les hommes sont deux fois plus soumis à ces accidents du travail que les femmes. C'est 5,5% des hommes qui ont eu un accident avec arrêt au cours de l'année écoulée, contre 3% des femmes. Donc c'est du fait de la nature des métiers exercés. Hein. On sait qu'il y a une concentration des hommes parmi les ouvriers, enfin que les ouvriers sont plus nombreux à être des hommes, et puis dans des secteurs d'activité comme le bâtiment, qui sont les plus accidentogènes. En même temps, le type d'activité n'explique pas tout. On voit que, c'est Véronique Debasse Letourneux qui l'avait montré, l'obtention d'allocations pour accident de travail ou pour invalidité est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Donc, il y a certainement effectivement un risque d'accident du travail plus élevé pour les hommes que pour les femmes, mais il faut encore voir que les statistiques qui sont ici citées sont les statistiques des accidents effectivement recensés, effectivement reconnus comme accidents du travail. Si on regarde, si on s'interroge sur les effets dissimulation de ces accidents du travail, l'enquête conditions de travail interroge aussi les salariés, donc là c'est déclaratif. Sur le risque d'accident. Ils sont 48% des salariés en 2005, 48% à déclarer risquer d'être blessé ou accidenté, et 7% à avoir été effectivement victimes dans l'année précédant l'enquête d'un accident qui les avait obligés à se faire soigner. 7%, c'est presque le double de l'indice de fréquence des accidents du travail effectivement recensés. Donc il y a quand même manifestement un écart entre la réalité et ce qui est effectivement évalué. Si j'en viens maintenant aux maladies professionnelles, donc en restant dans le domaine des statistiques qui sont produites annuellement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, on a une définition qui est extrêmement conventionnelle et présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Au fond, la maladie professionnelle, c'est celle qui est officiellement reconnue comme telle et qui ouvre droit à la réparation. Et on fait davantage référence là à une liste officielle de maladies qui donne droit à réparation. Liste officielle qui a grossi, qui est autour de, j'ai peur de dire des bêtises, mais de 120 pathologies aujourd'hui. Qui a donc gonflé du fait de l'évolution des connaissances médicales, mais également des jeux d'acteurs, des mobilisations sur lesquelles différents historiens sont revenus dans les années récentes, Paul-André Rosenthal, Nicolas Hatzfeld, Laure Pitty et Catherine Omnes, etc. Alors ces tableaux de maladies professionnelles, oui, dans ces tableaux de maladies professionnelles, il y a trois conditions d'éligibilité pour chaque maladie. C'est que la victime doit présenter des symptômes ou lésions pathologiques spécifiques qui sont définis pour chaque tableau de maladie. Elle doit avoir occupé des situations professionnelles ou effectué des travaux susceptibles de provoquer l'affection. Et enfin, un délai précis doit s'être écoulé entre la cessation de l'exposition et l'apparition de la maladie. Alors, depuis 93, sur la demande insistante de l'Union européenne, on a un système complémentaire qui fait que si jamais un des trois critères n'était pas rempli, le comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle se réunit pour voir si effectivement on ne pourrait pas reconnaître une maladie comme une maladie d'origine professionnelle. Et dans certains cas, notamment dans les cas de décès de la personne, on pourrait idéalement reconnaître la cause professionnelle de la maladie, même si plus d'un des critères n'était pas rempli. Il reste que, d'après l'étude de Platel, 2009, presque toutes les maladies sont reconnues comme, qui sont reconnues comme professionnelles le sont au titre des tableaux de maladies, hein, 95%, il n'y a que 5% qui sont, qui passent par ce système complémentaire de reconnaissance. Donc c'est en fait dans la création de ces tableaux que réside toute la dynamique de reconnaissance et donc les statistiques aussi de maladies professionnelles. C'est un élément décisif. Par exemple, les lombalgies ont très longtemps été très peu reconnues. Depuis 1999, avec la création de nouveaux tableaux spécifiques, c'est devenu la troisième cause de maladies professionnelles reconnues. On a peu de pathologies, peu de tableaux pardon, pour des pathologies cancéreuses, hein, une vingtaine de tableaux sur les 120 tableaux totaux, et encore, il n'y en a que 10 qui sont véritablement utilisés. Hein. Résultat, le nombre de maladies professionnelles liées à des cancérogènes stagne depuis ces années, avec un effet de un fossé qui se creuse entre la définition juridique et cette définition juridique et la définition médicale de la maladie. Du coup, difficile d'interpréter les évolutions en matière de statistiques de maladies professionnelles. C'est bien souvent la conjonction de trois évolutions. D'abord, un élargissement du périmètre couvert par la définition des diverses maladies. Certainement aussi un accroissement des cas effectifs de pathologies professionnelles. Et enfin, une déclaration aussi plus fréquente de la part des victimes et de leurs médecins. Une fois pris toutes ces pincettes, qu'est-ce qu'on observe ? Au cours des 20 dernières années, une véritable explosion des maladies professionnelles. On est passé de 4 000, pendant près de 30 ans, on recensait environ 4 000, avec une grande constance, 4 000 maladies professionnelles reconnues chaque année, jusqu'à la fin des années 80. On est passé donc à 10 000 au milieu des années 90, et on était à près de 50 000 en 2009, et vous voyez, 55 000 en 2011. Avec donc une fin des années 90, début des années 2000, une accélération de ces reconnaissances, une explosion de ces reconnaissances, une progression de ces reconnaissances, mais plus faible à la fin des années 2000, mais qui semble reprendre, hein, la hausse est de 8,6% en 2011. Donc en 2011, on a reconnu 8,6% de maladies professionnelles en plus qu'en 2010. Alors, si on regarde maintenant les principales maladies professionnelles à trois dates, 2003, 2008, 2011, vous voyez que le total n'est pas le même, hein, 36 000, 45 000 et 55 000. Mais si le total n'est pas le même, la prévalence respective des maladies professionnelles est restée à peu près la même. Les affections périarticulaires, donc les troubles musculosquelettiques, sont très largement et de plus en plus en tête des affections professionnelles. Elles étaient un peu plus de 2/3 en 2003. 3/4 en 2008 et on frôle les 4/5 des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculo-squelettiques. J'ai parlé tout à l'heure des lombalgies, vous voyez, c'est la troisième ligne, on est aujourd'hui autour de 6%. Les affections dues à l'amiante, cancer bronchopulmonaire, mais pas seulement, sont en baisse depuis le milieu des années 2000. Hein, leur nombre avait quadruplé entre la fin des années 90 et 2005, avait été triplé, je crois, dans cette période-là, mais c'est en diminution depuis 2006. Ça reste malgré tout la deuxième cause de maladie, mais vous voyez, très loin derrière, les troubles musculo-squelettiques. Deuxième cause de maladie, mais en même temps, principal poste budgétaire de l'indemnisation des maladies professionnelles, parce que la prise en charge de ces maladies, c'est pas la même. Du point de vue des cancers, maintenant je vais peut-être aller vite, ouais. Du point de vue des cancers, on est à 2000 cancers, donc 4% des maladies professionnelles sont des pathologies cancéreuses. Très grande majorité, 87%, sont des cancers liés à l'amiante. Pour le reste, après, c'est très loin, on a 90 cancers. En 2011, il y avait 90 cancers reconnus en maladies professionnelles dus à des poussières de bois. Et donc les autres cancérogènes sont encore beaucoup plus loin derrière. On tombe très vite en dessous de 50. Si je parle des cancers, c'est parce que je connais un peu plus le sujet, mais c'est aussi parce que les enjeux qui sont liés à la reconnaissance de ces maladies professionnelles sont de plus en plus cruciaux au vu des pathologies concernées, en particulier de l'origine multifactorielle de la plupart des maladies, avec une difficulté particulière pour les cancers. Le mésothéliome de la plèvre est aujourd'hui bien identifié. C'est une des rares pathologies cancéreuses où il y a une causalité univoque, hein, qui est admise, une causalité professionnelle qui est admise. Du coup, ça a été multiplié par 3, hein, je l'ai dit, entre 1998 et 2007. Mais c'est la seule exception à la règle, à part les poussières de bois que j'évoquais également. Tous les autres cancers, on considère qu'il y a une origine multifactorielle, ce qui fait que, en fait, c'est très difficile de les reconnaître comme une pathologie professionnelle. L'origine professionnelle du cancer de la vessie, de la leucémie, du cancer du poumon est bien souvent renvoyée à bien d'autres choses que à la sphère professionnelle. On estime, d'après des enquêtes, qu'il faudrait multiplier par 10 le nombre de cancers pulmonaires professionnels reconnus pour avoir effectivement une mesure de l'ampleur des cancers pulmonaires professionnels. Multiplier par 10 également les leucémies reconnues comme professionnelles pour avoir un ordre de grandeur de ce que sont, de ce qu'est la cause professionnelle de ces leucémies, et même par 100 pour les cancers de la vessie. Donc une sous-estimation très forte des cancers. Renvoyer là donc à la cause, à l'origine multifactorielle de ces pathologies, au rôle des médecins qui bien souvent n'interrogent pas les patients sur les antécédents professionnels. Lorsqu'un patient est interrogé, présente une pathologie cancéreuse, il n'est pas interrogé sur ses antécédents professionnels. Et c'est encore pire si jamais il a fumé. Si au cours de sa vie il a fumé, à ce moment-là, il y a une vision monocausale du cancer qui s'impose et qui fait que l'on ne va pas du tout interroger l'origine professionnelle et donc encore moins engager une démarche pour faire reconnaître le cancer comme une maladie. Du coup, une sous-estimation des cancers. Je vais aller plus vite, mais si j'insiste sur l'origine multifactorielle de la plupart de ces maladies, en même temps, on s'est aperçu que pour les troubles musculo-squelettiques, qui ont aussi une origine multifactorielle, ça a été levé. En fait, cette difficulté a été aussi levée. Hein, on reconnaît que comme origine de ces troubles, des facteurs physiques, le travail sur écran, les postures pénibles, mais aussi des facteurs organisationnels, psychosociaux, comme le travail répétitif. La latitude décisionnelle, hein, pour parler comme dans les statistiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a une causalité, une origine multiple factorielle du trouble musculo-squelettique qui n'a pas empêché justement leur reconnaissance aujourd'hui. Les enjeux liés à la polyexposition également, alors là ça concerne aussi les cancers mais pas seulement, c'est-à-dire polyexposition, c'est des expositions multiples, de multiples cancérogènes, par exemple, avec des effets, ce qu'on appelle les effets cocktails, qui peuvent cumuler leurs effets aussi dans le temps, ce qui pose un problème particulier dans le cas des carrières hachées, j'ai mis RT, dans les cas de précarité ou de mobilité, qui fait que, dans ces cas-là, difficile de recomposer l'origine professionnelle, de retrouver l'origine professionnelle des pathologies concernées. Et il y a aussi un enjeu plus administratif de traçabilité des expositions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est moins le sujet aujourd'hui. Alors, si maintenant, du point de vue des questions de genre, des différences selon le sexe, on voit qu'il y a des différences prononcées selon le sexe en matière de maladies professionnelles. Les femmes se voient reconnaître plus de maladies professionnelles que les hommes. Ici, c'est à chiffrer en millions d'heures de travail. Hein. Donc, c'est le 16,4 que vous voyez en total pour les femmes. 16,4, c'est le taux de fréquence, c'est-à-dire 16,4 maladies professionnelles reconnues pour 10 millions d'heures de travail. C'est un peu abstrait comme chiffre, mais en tout cas, la mesure donne aussi l'écart avec les hommes. Donc, plus de maladies professionnelles reconnues pour les femmes, mais en même temps, souvent, ces pathologies sont moins graves pour les femmes que pour les hommes. Hein, le taux d'incapacité partielle permanente est beaucoup plus élevé, enfin, est plus élevé. Ce sont les deux chiffres du bas du tableau, pour les hommes que pour les femmes. C'est aussi parce que les hommes et les femmes ne se voient pas reconnaître les mêmes maladies professionnelles. Les femmes ont plus de risques de contracter des troubles musculo-squelettiques. Hein, 58% des cas de troubles musculo-squelettiques, 58% sont des femmes. Et les cancers professionnels concernent très majoritairement les hommes. 97% des reconnaissances de cancers professionnels concernent des hommes. Et c'est encore plus vrai pour l'amiante. C'est 9 cas sur 10 sont des hommes ouvriers, des pathologies liées à l'amiante. Si on regarde les troubles musculo-squelettiques plus particulièrement, on voit que la localisation de ces troubles n'est pas la même selon le genre. Chez les femmes, ça affecte principalement le poignet, la main et le doigt, et ou le doigt. Hein, 49,1% des TMS affectant les femmes sont localisés à cet endroit-là, et même 39,9% concernent le syndrome du canal carpien. Et les hommes, les troubles musculo-squelettiques vont davantage affecter les membres inférieurs, le genou en particulier, et le rachis lombaire. Et puis, puisqu'on est sur les troubles musculo-squelettiques, on voit que donc les femmes sont plus concernées par les troubles musculo-squelettiques, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, mais il y a une catégorie socio-professionnelle particulièrement affectée, ce sont les ouvrières parmi les ouvriers. Vous voyez là que le risque de troubles musculo-squelettiques est beaucoup plus élevé pour les ouvrières que pour les ouvriers. Hein. Donc avec oui, un écart extrêmement important qui dit des choses aussi de la concentration des ouvrières dans des métiers et des secteurs d'activité qui sont particulièrement concernés, exposés aux troubles musculo-squelettiques dans les abattoirs ou dans l'industrie du vêtement. Parmi les autres pathologies en dehors des cancers et des troubles musculo-squelettiques, on voit que les hommes ouvriers sont particulièrement exposés à la surdité et que les dermatoses sont plutôt le fait des femmes de moins de 20 ans, en particulier dans la coiffure. Mais là, on n'est même plus dans des statistiques, là. On est sur quelques cas.